Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. JB Gagné, votre animateur qui est avec vous et je suis très très heureux d'être de retour. On a sauté une semaine, mais ce n'est que pour revenir plus en force. Et pour m'accompagner aujourd'hui sur l'émission, on est avec nous Daniel Carosella. Salut Daniel! Comment va-t-il notre champion du film d'horreur? Oh, merci pour la description. Ça va. Écoute, je suis toujours pas nécessairement dans les films d'horreur, mais je suis dans le. Tu te rappelles quand on est allé assister à la conférence de Christian Page? Oui. Je suis toujours dans son livre, donc j'en apprends un petit peu plus sur différents films d'horreur. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. By the way, là, je suis dans le chapitre sur la possession et la fameuse boîte à 10 books avec laquelle on avait pris une photo, toi pis moi. Oui, qu'on y a touché, parce que moi, je me disais, écoute, tu sais, quand tu vas avoir de la chance, là, tu touches du bois. Sauf que là, c'est une boîte qui donnait du malheur, fait que puis elle est en bois, fait que je sais pas si ça s'annule. Écoute, ce que je peux te dire, sans révéler des détails du livre, c'est que c'est pas mal tout de la bullshit. Ah, moi, je m'en doutais pas. Je te le dis. Je suis surpris, je sais pas pourquoi. Ça m'étonne. Écoute, c'est plate parce qu'à un moment donné, toi pis moi, on avait une idée de podcast sur un petit peu le paranormal, l'ésotérique et tout. Puis tu sais, on voulait vraiment aborder des thèmes comme ça pour un peu différencier le vrai du faux. Fait que je m'étalerai pas sur la fameuse boîte à 10 books, mais sachez que même au niveau des croyances juives, parce que un 10 books, ça vient de la religion juive, ça se peut pas. Tu peux pas avoir une boîte à 10 books, même au niveau des croyances juives. Parce que tu sais comment ça fonctionne, un esprit, hein? Tu sais, c'est translucide, c'est transparent, ça a pas vraiment de masse, mais du bois, ça les bloque. Fait que tu te promènes dans une forêt, c'est clair qu'ils se pètent la tête partout, fait que t'es correct, tu sais. Ah oui, c'est ça. Ben, par contre, je peux dire que j'entends, sérieusement là, j'entends quelques bruits dans mes murs, mais ça ressemble plus à. Peut-être un coincé dans ton chauffage. Ah ça se ouais, puis là je l'ai fermé, fait que là le D-book il est en hibernation jusqu'à l'hiver prochain. Mais tout ça pour dire que je pense plus que c'est des petits problèmes électriques qu'un esprit malfaisant. J'espère pour toi que ce sera pas trop problématique là, dans pas long, là, parce que c'est inquiétant des problèmes électriques. Là. Ouais, plus que l'esprit. Non. Ouais, mais je peux faire, en tout cas, bref. Parce que tu sais que l'électricité existe pour vrai, elle. C'était prouvé, contrairement aux esprits, là. Oui, ça fait quelques temps d'ailleurs que ça existe, l'électricité. Mais je veux juste mettre au clair, là, tu disais, on avait une idée de projet de podcast sur le paranormal. En tout cas, actuellement, j'ai beaucoup trop de projets. J'ai pas le temps, fait que ça sera pas tout de suite si c'est pour se faire. Et surtout que notre brainstorm, c'était, ouais, à chaque show, on pourrait faire une page d'un livre de Christian Page. Fait que tu sais, ouais. Comme la préface, on dirait le titre, auteur. Oui, je vous le dis, on en a à peu près pour 400 shows. Cool. À peu près. Ouais, mais moi, c'est la fameuse page avec toutes les références, là, année de création, d'imprimerie, ces affaires-là, ça va être malade. Écoute, on va t'avoir du fun. Là. Ça va être bon. Avec nous aussi sur l'émission cette semaine, il n'est pas paranormal, il existe, on peut y toucher. Si vous avez cette chance, vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et j'ai parlé ici de Jonathan Turcot. Hey, bonjour. Touchez-moi. Touchez-moi. Non, okay, ah, hein? Écoute. Mais ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Gardez les mains hautes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Jonathan, cette semaine, oui. De quoi tu vas nous parler sur ce beau programme? De baseball. D'un beau jeu de baseball. Ça, avec des battes en bois, tu peux frapper des esprits, faire des home runs, c'est cœur. Ah oui. C'est cœur, hein, ouais. Je te dis. Ah ouais, surtout quand tu prends le bois de la boîte, là. Oui. Hey, c'est bon, ça. Faire un bat avec ça, là. Tu fais des grands chelems avec ça. Ouais. toi, Dan, tu vas nous parler de quoi cette semaine? Ah, ben, j'hésitais, puis d'ailleurs, jusqu'au début de l'enregistrement, j'étais pas sûr. Finalement, je vais vous parler de Ratchet & Clank, le nouveau. Et non pas de... Je vous parlerai pas du film. Le film, en tout cas, de ce que j'ai su, ça a l'air que c'est pas fameux. Non. Mais le jeu est vraiment totalement le contraire. C'est un achat assuré sur PS4. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Good. Et moi, je vais vous parler du film Hostile, en français, Hardcore Henry, pour le titre dans la langue de Shakespeare. Oh yeah. Un film assez particulier. Je vous explique pourquoi. Il y a bien des affaires, bien le fun avec ce film-là. Une drôle d'expérience. En tout cas, je vous reviens là-dessus. En début de show, je voulais vous parler un petit peu de The Division, parce que je n'arrête pas de jouer à ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je joue tout le temps, partout. Je ne pense qu'à ça, je rêve à ça. Ce jeu-là est en train de... C'est comme une poupée vaudou. Puis ce jeu-là est en train de me manipuler violemment. Je sais pas pourquoi, mais je suis hypnotisé par ce jeu. Et là, ben, on a une nouvelle patch qui est rentrée mardi dernier, une mise à jour assez massive dans laquelle on a inclus des nouveaux ensembles d'équipements. On a 5 variétés. On a le nomade, on a le sentinelle, on a le cogneur. Je vous donne les noms en français. Le tacticien. Et c'est cet ensemble-là, quand on les met, on équipe plusieurs morceaux, ça nous génère un bonus, un avantage. Donc, c'est des kits d'armement qui sont très très appréciés par les joueurs, très recherchés, et dont la façon de les acquérir sont assez limitées. Les façons de les avoir, c'est soit en magasin, où est-ce que là ils coûtent extrêmement cher, ou encore dans la Dark Zone, dans les Dark Zone la 6e, donc le niveau le plus intense avec les drops aériens. Ça aussi, c'est une mise à jour. C'est du matériel qui n'est pas contaminé et qui est envoyé dans la Dark Zone par hélicoptère. Il faut que les joueurs se battent pour pouvoir aller les chercher. Donc, ça fait que tout le monde qui est sur le serveur en même temps converge vers les mêmes points et c'est une course vers l'équipement. Il y a des ennemis aussi, des NPC qui sont là, plus les joueurs. Donc, ça fait des flamèches. C'est incroyable. Et on peut avoir ces kits d'équipement là particuliers. Et on a aussi ce qu'on appelle une incursion. Ça, c'est une grosse mission. Ce qui pourrait se ressembler là, pour les joueurs de WoW, un raid. C'est pas ce qu'on espérait. On espérait quelque chose d'encore plus massif que ça. Le niveau de difficulté, par contre, est là. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on nous annonçait « Vous allez affronter un tank ». Et là, tout le monde faisait comme « Oh my God! Un tank! » Ben, en fait, on affronte une boîte là qui est dans un coin, qui bouge pas, mais qui a ben de la vie. Et pendant 15 rondes, on affronte des batchs d'ennemis qui nous foncent dessus. Et donc, faut coopérer, faut travailler d'arrache-pied, faut être vraiment très, très bon parce que c'est très, très dur. Et à certains moments clés, on a des ennemis qui vont laisser tomber des drops, comme on dit en anglais, du C4 qu'on doit aller coller sur le tank, parce que si tu y vas à coup de fusil, ce sera interminable. Tu pourras jamais avoir le tank à coup de fusil là. Puis en fait, dans la vraie vie, on bat pas un tank à coup de fusil non plus là. Fait que c'est un peu normal, sauf que ceux qui se disaient la dernière mission du jeu, c'est un hélicoptère, puis l'hélicoptère se promène, lance des missiles, envoie les mitraillettes, écoute, c'était violent, ça faisait quelque chose de vraiment impressionnant. Là, on se disait, un tank, man, ça va être mongol. Non, il est juste dans un coin pis il attend. Il est là pis il fait rien. Fait que là-dessus, c'est un peu dommage. Il y a d'autres incursions, comme on dit, qui sont à venir pour les prochaines mises à jour qui seront gratuites. Il y a aussi des DLC qui, eux, seront payants. Donc, il y a beaucoup de matériel qui s'en vient. Ce que je voulais, entre autres, mentionner, c'est que le jeu, là, on est dans le endgame. On est dans le matériel, là, passé le niveau 30. On est dans la jouabilité de fin de jeu, là. Ce qui est vraiment où est-ce que t'es censé mettre le plus d'heures et où est-ce qu'on se rend compte, là, des limitations du titre. Okay? On a des missions quotidiennes, des objectifs à atteindre pour avoir des bonus. On a l'incursion. La première fois que t'as fait, t'as double bonus, mais quand tu le refais, ben, t'as pas double bonus, t'as juste une fois le matériel que t'es censé dropper à la fin. Donc, tu sais, tu fais rapidement le tour de ce que t'as à faire. On voit les limites du jeu. J'ai beaucoup d'espoir pour la suite. J'ai hâte que les DLC embarquent puis tout ça. Et je me dis, Ubisoft ont vraiment quelque chose de très très bon entre les mains pour la suite des choses. J'ai hâte au The Division 2 en espérant que ça prend pas 8 ans à développer comme le premier. Mais surtout, moi ce qui me gosse actuellement, c'est les gens qui utilisent des glitches. Ça, des glitches, c'est une façon de contourner le jeu, les mécaniques de jeu pour pouvoir avoir accès aux bonus de fin de mission, gagner les missions plus rapidement et sans se faire suer à devoir battre tous les ennemis. Le problème dans tout ça, c'est que les joueurs, ben dans la Dark Zone, c'est du PVP. Donc, les gens qui ont glitché ont un solide avantage sur les autres pour pouvoir les tuer, pour devenir rogue et ramasser de l'expérience. Et ça, c'est un peu dommage. Et les rumeurs avaient circulé avant la mise à jour que Ubisoft allait bloquer les façons de faire les glitches dans l'Incursion, mais aussi allait bannir les joueurs, ce qui n'a pas été mis en place encore. Je n'ai pas entendu parler de personnes qui ont été bannies jusqu'à maintenant. Et on disait, la rumeur courait que le matériel que les joueurs allaient avoir acquis en glitchant leur serait enlevé. Donc ça serait doublement pénalisant. Eh bien, malheureusement, dans la mise à jour de mardi dernier, tout ça n'a pas été mis en place. Il y a une façon de glitcher la mission Lincoln qui a été placée. Mais il y a des nouvelles façons déjà qui ont été découvertes. Et tout ça fait que c'est un peu décevant. Et la grogne se fait beaucoup sentir sur les réseaux sociaux. Donc, mon message, au final, après ça, on va aller en chronique avec le monde, là. C'est Ubisoft, s'il te plaît. S'il te plaît, sois méchant avec les tricheurs. S'il te plaît. Ce serait vraiment cool que le jeu redevienne legit et qu'on se batte à armes égales, tout le monde. S'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Mais voilà, c'était mon petit update sur The Division. Je risque de vous en reparler quand il y aura du nouveau matériel. J'ai deux jeux dans la vie, ok? Moi, j'ai The Division et j'ai Hearthstone que je joue à chaque jour un petit peu. Ces deux jeux-là, fait que je fais des chroniques de films, si tu veux que je te dise. Je fais des films. Quand tu vas être tanné, là, tu mets ça dans une boîte. The Division, là, je parle, là. Ouais. Pour t'en purger, là. Oh. Mets ça dans une boîte à division. Oui, c'est un lien, ok? C'est un lien, je cherchais le... Mets ça dans une boîte, là, pis ça va capter les esprits malfaisants de division qui te manipulent. Ah, tous ouais. Les cheaters vont aller dans ta petite boîte, voir des petits cheaters. Ouais, c'est ça, ils vont traverser les murs pour rien, là. Ouais. Tu vas entendre des bruits électriques aussi. Ah, ça gosse. Non, mais pour vrai, les tricheurs, là. Pis, mon plus gros problème avec ça, c'est le fait que c'est des joueurs contre joueurs. C'était juste joueurs contre le jeu. Pas de trouble, tu sais, ouais, vas-y, gâte-toi, tu sais. Ça fait pas de mal à personne, sauf que là, t'es contre les autres joueurs, tu sais. Et surtout, c'est que le but d'avoir du meilleur matériel, c'est d'être plus fort, de pouvoir affronter des ennemis plus forts. Actuellement, les ennemis les plus forts sont dans l'Incursion. Ça te donne quoi de tricher dans l'Incursion si c'est pour avoir du meilleur matériel pour affronter les meilleurs ennemis? Tu sais, t'annules le pourquoi tu le fais, tu sais. Fait que tu brises le jeu, en tout cas. Ouais. Aviez-vous d'autres nouvelles, d'autres trucs à mentionner avant qu'on parte en chronique? Ah, tu te rappelles déjà plus de ce que je veux parler? Ben, c'est ça. Écoute, c'est comme un, là. Ah oui, là, je suis habitué. Oui, en fait, c'est un peu difficile. En fait, c'est une nouvelle qui a pris beaucoup la place de la première place d'actualité dans la dernière semaine. C'est qu'il y a une méga poursuite contre Rockstar Games qui a été entamée par Leslie Benzi. Leslie Benzi, si ça vous dit rien, en fait, c'est un des plus gros noms derrière, notamment les Grand Theft Auto et Red Dead Redemption. Donc, c'est un des trois, des trois têtes d'affiche. Red Dead Redemption, qui serait en production, la rumeur court. Oui. Et hier, sur les réseaux sociaux, on a vu la map, semble-t-il, qui aurait fuité. Ouais. Oh oui. Deux fois grande comme celle du premier. Fait que si c'est vraiment le cas, c'est hot. C'est vraiment hot. C'est gros. Mais ouais, en fait, Leslie Benzies, ça serait vraiment celui qui serait à l'origine des succès, des principaux succès de Rockstar Games, notamment Grand Theft Auto, Red Dead Redemption. En fait, on l'aurait appelé à l'aide à plusieurs reprises parce que autrement, si c'était pas de lui, les succès de Rockstar Games auraient pas été aussi flamboyants. Le problème là-dedans, c'est que après la sortie de Grand Theft Auto 5, les trois dirigeants, c'est-à-dire Leslie Benzies et les deux frères Hauser, se sont entendus sur des termes pour avoir ce qu'on appelle des redevances, donc des royautés par rapport aux revenus générés par Grand Theft Auto V. Et Leslie Benzies, il commençait déjà à y avoir des frictions avec l'un des frères parce que il avait pris beaucoup de place, notamment au niveau des crédits du jeu là, tu sais, c'est-à-dire ceux qui sont remerciés pour le jeu. Benzies, son nom apparaît assez rapidement une fois le jeu terminé, et ça avait pas plu à l'un des frères Hauser, donc il y avait déjà des frictions. Et quand il y a eu l'espèce de contrat là pour les frais de pour les redevances, finalement Benzi s'est senti très très très sous pression, a eu très peu de temps pour examiner les documents et a dû signer vraiment sans prendre conscience de ce à quoi il signait. Et ce à quoi il adhérait, finalement. Là, vous allez dire, OK, c'est beau, tu sais, on comprend, bon, il y a des frictions pis tout, mais d'où vient la poursuite de à peu près 150 millions? C'est que, après avoir vécu dans ce climat-là, Benzies a décidé de prendre une sabbatique et il est parti pendant 6 mois. Mais durant ces 6 mois-là, les frères Hauser se sont arrangés pour le mettre dehors. Donc, on lui a coupé tous ses accès à la compagnie, ses clés ne fonctionnaient plus, et quand il est revenu de sa sabbatique, ben, on lui a dit, t'es quitté, too bad pour toi. Ouais. Je peux-tu juste faire un parallèle avec le domaine de la radio? C'est comme ça que ça fonctionne en radio aussi, parce qu'on veut pas que les gens puissent voler du matériel, on veut pas que les gens puissent utiliser les ondes pour lancer des messages contre la station, fait que rapidement, on va désactiver les clés, tout ça pour pas que la personne puisse revenir dans les studios. C'est traite, OK? C'est des métiers de passion. C'est des métiers que, ben, tu fais ça, tu comptes plus les heures, puis les deadlines, puis tout ça. Puis c'est triste pour l'employé, mais c'est souvent... Tu t'embarques là-dedans en connaissance de cause. C'est, tu sais que c'est pour peut-être arriver. Ben, en fait, ce qui est intéressant, entre guillemets, dans cette poursuite-là, c'est que là, on commence à avoir des détails sur certaines pratiques de Rockstar Games. Et disons que la poursuite de Benzies n'est pas très tendre, notamment envers les frères Hauser. Les frères Hauser ont déjà une mauvaise réputation. Ils ont, en fait, la réputation d'être très silencieux. On les voit pas souvent, les frères Hauser. C'est pas des gens qui sont non plus à l'aise avec les médias. Il y a une espèce de culture de l'omerta chez Rockstar Games, c'est-à-dire que même si tu vas interviewer des développeurs, c'est des entrevues préfabriquées et il y a personne dans cette boîte-là qui est autorisé à parler des conditions de travail. Et là, la poursuite de Benzies fait un peu état de l'espèce de climat de peur. Et d'ailleurs, à un certain moment donné, c'est carrément comparé à l'usine de chocolat de Willy Wonka, c'est-à-dire le monde y entre, mais sort plus de là. Donc, dans les documents, et ça, on va probablement en apprendre encore plus au fil de la poursuite, on fait état vraiment de harcèlement assez prononcé. On fait état aussi qu'il y a des employés qui seraient encouragés à aller dans des clubs de striptease pour ensuite que les dirigeants utilisent ça contre eux. Ouais, mais c'était de la recherche pour le jeu, là. C'est... Oh oui, c'est pour le mode d'art. Fallait être en connaissance de cause. Ouais. Ah oui, absolument. Il y aurait aussi... Le pire, c'est que s'il y a un jeu dans l'univers où est-ce que ce que je viens de dire là peut s'avérer vrai, c'est celui-là. C'est dans GTA. Ah oh, ouais, absolument. Effectivement. Mais il y aurait aussi, en tout cas, l'utilisation de matériel photographique d'employés dans des positions, disons, un peu explicites. Et on utiliserait tout ça pour du chantage et pour faire en sorte que les employés se taisent par rapport à leurs conditions de travail. Et Bendis, ce qu'il dénonce aussi, c'est que une des directrices de Rockstar Games, à un certain moment donné, a essayé de faire le pont entre les Hauser et lui. Et un des Hauser aurait dit, écoute, je pense qu'il y en a eu assez d'argent là par rapport aux redevances et tout. Je pense qu'il peut se contenter de ça, puis nous, on va garder le reste. Fait que c'est parti d'une très grande amitié entre les deux frères et ce gars-là. Et là, c'est en train de tourner vraiment une guerre qui va se terminer devant les tribunaux. Bendis estime qu'il aurait dû recevoir environ 150 millions, d'où le montant de la poursuite. Ça se pourrait là qu'on en apprenne plus par rapport aux conditions de travail de Rockstar, notamment Rockstar North là qui est responsable de Grand Theft Auto et compagnie. Fait que c'est à suivre. Sachez que on a juste un côté de la médaille. Par contre, en ce moment, Rockstar a déjà répondu en disant qu'il trouvait la poursuite de Bendis étrange et il rejette vraiment toutes les allégations du revers de la main. Évidemment, ça m'étonne pas vraiment, mais on a quand même juste un côté. C'est rare que quelqu'un qui se fait attaquer en justice dit ouais, il a raison de m'attaquer pour vrai. Ah oh, ouais, non, c'est ça. Il a raison de dire qu'on fait du harcèlement puis qu'on en invite des gens dans des clubs de striptease. Tu sais, tout ça pour dire que attendez là avant de juger Rockstar Games, même si les frères Hauser ont pas nécessairement une bonne réputation. On a juste un côté de la médaille là pour le moment, mais ils font aussi des bons jeux, hein. C'est tout ce qui compte. Ils font des bons jeux. Ouais. Ils font des bons jeux. Ils font virer leurs employés fous, mais ils font des bons jeux. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que tu dis de l'extorsion, des vidéos compromettantes. Finalement, l'émission de GTA V avec la fausse Lindsay Lohan là, qu'on courait après pour on la photographiait dans toutes les positions possibles, là, ben, c'est une histoire vécue finalement. C'est basé sur des ferrets. Oui, dans Rockstar. Ouais, c'est ça. Fait que suivez ça, c'est la grosse poursuite en ce moment dans le domaine du jeu vidéo. Reste à voir qui va gagner, puis tu sais, est-ce que la vérité va vraiment sortir ou ça va plus être une semi-vérité, on va comme trouver la vérité dans un paquet de mensonges. Écoute, je te parie un gros paquet là d'honneur là que ça va se régler hors cours parce que tout le monde là-dedans a de l'argent puis il y a personne qui veut se faire salir réellement. Ça m'étonnerait pas effectivement. Fait que suivez ça. Fait que si vous voulez avoir plus de détails, c'est Leslie Bendis contre Rockstar. À suivre. Voilà. Ouais, oui, à suivre. Joe, je veux que tu me parles de baseball parce que c'est pas un sport dont je me sac. Mensonge ici. Voyons donc. Fait que essaye de vendre ça. T'es pas dans le groupe ça, qui là. Veut revenir faire revenir les expos, non? Non, ouais. Ça. En fait, ce serait cool pour la ville, mais en même temps, puis de la façon que il y a un article que j'ai lu là-dessus justement, il disait le stade olympique pourrait accueillir les expos, mais faut que pendant le temps de la construction, donc genre 3 saisons, on soit capable d'attirer 28 000 personnes en moyenne par match. Écoute, le Canadien de Montréal, ouais, OK, pendant une saison de misère, était même pas capable de remplir 21 000 sièges. C'est le Canadien là. Mm-hmm. Imagine le baseball. Non, ouais. S'il faut que ce soit pas un club champion, là. Oublie non, ça. Non, c'est ça. Ouais, je sais bien. Ah, mais ça paraît pas avec mon jeu, par exemple. Non, je sais bien. Mais vas-y, c'est toi qui me parlais des expos, là. Fallait que je réponde, là. Dans le fond, le jeu que je vais vous parler, effectivement, c'est un jeu de baseball. C'est RBI Au Baseball. Au moins, ça, je me suis pas trompé. Non, c'est ça, c'est bon, hein. RBI c'est Baseball. 2016. Donc, c'est un jeu de Namco. Non, pas vrai. Bandai. Hein? C'est-tu Bandai ou... Non, mais c'est ça. Namco avait sorti, puisque ça, c'est un jeu qui a commencé en 1980, je pense que le premier, c'était en 86, quelque chose comme ça, par Namco. Puis après ça, tu sais, ils en ont fait sur Nintendo. C'était mon premier jeu là, que j'ai joué là, sur Nintendo de baseball. Là. Puis après ça, ils en ont fait jusqu'en 94-95. Après ça, la série est morte. Puis en 2014, ben le... l'espèce de division qui s'occupe du multimédia du MLB, là, dans le fond, l'association de baseball, là, a décidé de reprendre le jeu. Donc, c'est fait. Le jeu est fait par l'association, par MLB Advanced Media qui s'occupe, dans le fond, de tout ce qui est média pour le baseball majeur, là. Donc, c'est pas une méga compagnie, c'est pas EA là, qui fait ça. Là. Donc, puis c'est vraiment basé, c'est un jeu vraiment d'arcade. Il y a les vrais alignements de joueurs, mais c'est vraiment un jeu d'arcade. Là. En même temps, il est sorti début avril, puis en même temps qu'il est sorti, ben, il y a eu le jeu de show. De show, ouais. Lui, c'est vraiment, qui est sur une exclusivité PS4, lui, c'est vraiment un jeu de baseball simulation à fond. Là. C'est un gros jeu de baseball là, avec des dizaines d'options, avec des graphiques ultra réalistes, la grosse affaire. Là. Lui, non. Du tabac ou de la gomme. Exactement, tu choisis. Puis... Tu pognes la poche ou les fesses. Option poche, tout. Là. Oh, ouais. Des graines de tournesol, ben oui. Mais ça, c'est le gros. T'sais, ça, c'est le gros jeu. Parallèlement à ça, ben moi jouer à un gros jeu de baseball comme de show, j'avais acheté l'édition 2014, puis moi je trouve ça trop lourd. Tu sais, tu t'installes pour jouer une partie de baseball puis ça dure comme une heure, mais moi ça me tente pas de faire ça. Puis le jeu RBI Baseball, ben il répond à ça. Il est beaucoup moins cher, il est 30$ au lieu de 80. Puis lui, il est vraiment basé arcade. Puis il est disponible sur Xbox, sur Android, Steam, PS4. Il est disponible partout en téléchargement ou même en boîte. Cette année, ils l'ont sorti en boîte. Puis ce jeu-là, même s'il utilise les vrais alignements et tout, là, c'est un jeu qui est vraiment épuré là, au niveau option. Là. Donc tu vas pouvoir faire des matchs amicaux en ligne ou contre un joueur. Pis ça c'est sur PC ou console seulement. Là, t'as pas, si t'achètes l'édition sur iPad, t'as pas le mode en ligne. Tu vas pouvoir faire des saisons, des séries ou vraiment un match rapide. Là, tu te lances, tu fais un match. Mais c'est tout. Y a pas de carrière, y a pas de création de joueurs, y a pas de gestion de direction, gestion d'équipe, etc. T'as rien de tout ça. Là. Ben, tu sais, en même temps, tu prends ce que les joueurs vont vraiment utiliser. Là. Ben c'est ça que j'aime. Quoi là, tu sais, t'as NHL 16 là, que je jouais là, puis tu sais il y a 72 modes, ben mais il y en a deux que j'utilise. Exact. Fais pas les autres là. Ben c'est ça que j'aime, c'est que tu pars le jeu ultra rapide, tu rentres dans la partie, tu choisis ton équipe, c'est les vrais alignements, tu peux faire des échanges de joueurs, ils vont mettre à jour au cours de la saison les téléchargements des nouveaux joueurs pour pas faire les échanges toi-même. Donc il y a déjà le nouveau téléchargement là, quand j'ai mis joueur pour la première fois, ils ont mis les alignements à jour, mais tu sais tu te lances, tu joues, pis ça part tout de suite là. Les graphiques, si vous allez voir des images, c'est quand même des graphiques, c'est des beaux graphiques là, tu sais, c'est faut s'entendre que c'est pas le détail là, c'est pas à fond là. Donc la foule, c'est des petits dessins là, tu sais, c'est pas super là, la foule, mais tu sais, ils ont pas mis l'emphase sur le stade, ils ont pas mis l'emphase sur la foule, il y a pas de modélisation de joueurs non plus, les joueurs sont pratiquement tous pareils, mais c'est beau, tu sais, les graphiques sont quand même beaux, mais de base. OK, puis là, moi, je suis pas un tripeux de baseball, là. Je sais pas si les gens vont remarquer, là. mais il est où le fun, là? Le fun, c'est que c'est la jouabilité. OK. T'sais, tu joues, tu pèses sur A pour frapper, puis tu pèses sur A pour lancer. Tu sais, t'as rien, là. Tu diriges ton bonhomme pour frapper, tu peux le bouger en avant, en arrière, tu t'élances, tu peux bunter, tu peux frapper, c'est tout. Ton joueur. Écoute, ça ressemble à baseball au NES, là, que je jouais dans ma cassette de 192 jeux en un. C'est exactement là. Ça. C'est lui, mais avec des graphiques d'aujourd'hui. Mais pas des graphiques de show avec la modélisation. C'est exactement ça. Donc là. Des graphiques d'hier. D'hier avant-hier, tu sais. Mais c'est quand même beau. Allez voir les graphiques, c'est quand même beau, mais c'est ultra rapide. Là. Tu lances, t'appuies sur le bouton, tu lances, c'est une prise, tu rappuies tout de suite, le joueur, il est déjà en train de relancer, t'as pas de cinématique quand tu lances un circuit, le gameplay est super simple, les bonhommes à la défensive, mettons tu vas frapper un gros coup au champ centre, ben, tu vas avoir un rond là, qui apparaît à terre comme dans tous les bons jeux de baseball, tu vas diriger ton bonhomme, mais le bonhomme il va l'attraper tout seul la balle, là. Si t'es dans le rond, il va sauter tout seul ou il va plonger. C'est très arcade. C'est super arcade, tu peux voler des buts, puis tu sais, mais tu peux pas... Non, c'est l'épuration des options au plus haut point. Une partie, juste pour te donner une idée, là, moi je joue en ligne avec un de mes amis. Là, 15 minutes, c'est fini. Là. Une partie de 15 minutes, tu as joué les 9 manches, puis c'est réglé. Là. Les lanceurs, tu as quand même des balles. Tu sais, le lanceur va faire des balles courbes ou des balles rapides ou des balles tombantes, mais ils te le disent pas, là. Tu sais, je veux dire, quand tu lances, t'appuies sur A, puis tu fais, mettons, la flèche par en bas, ben, c'est une balle rapide. La flèche vers la droite, c'est une balle courbe, puis la flèche par en haut, c'est une balle tombante. Tu sais, c'est tout. Et t'as tout le temps ta vision par rapport au joueur qui est au bâton. Donc, t'as pas le petit carré des prises qui apparaît à l'écran, là. Donc, t'as tout le temps la vision du joueur qui est au bâton. Même quand c'est toi qui lance, t'as la vision du joueur qui est au bâton. Donc, non, je vous dis, c'est super, super le fun, là. Donc, tu peux avoir aussi de l'assistance à la défense. Donc, en plus d'être obligé de te diriger vers le petit rond quand que la balle est lancée vers le champ centre, par exemple, ben, tu peux dire, ben, moi, je veux de l'assistance. Comme ça, si je suis près du petit rond, ben, le joueur va l'attraper quasiment tout seul, là. Donc, c'est encore plus facile, là. Mais même si c'est arcade comme ça, c'est super dur. Jouer une partie, là, tu sais, j'ai essayé de me faire des séries, là, contre l'ordinateur, mais j'ai même pas encore réussi, là. C'est super dur parce que c'est ultra rapide, t'as de la misère à savoir exactement à doser quand tu lances tes balles, tu sais, pour vraiment bien positionner tes prises, tout ça. Donc, puisque t'as de la misère à doser ça, ben, ça fait que le jeu, il est difficile quand même, là. Ok. Le baseball, c'est un jeu très stratégique dans le sens que tu vas avoir comme des gars que leur but, c'est de se rendre sur les buts à tout prix. Puis après ça, t'as le gros frappeur pour essayer de maximiser. Est-ce que tu sens une variation entre les joueurs côté statistique, puissance de frappe ou des choses comme ça, ou c'est toute la même affaire, tous les gars lancent de la même façon, puis tous les frappeurs frappent? T'sais, c'est tout équivalent. Non, ça, t'as quand même les statistiques des joueurs. Donc, si tu joues une partie entre deux équipes, on s'amuse à jouer une partie, mettons, entre deux parties d'étoiles, ben ça fait une différence que quand tu joues avec les deux plus pires équipes de la Ligue nationale. Donc, tes gros joueurs vont frapper des coups de circuit, tes joueurs rapides, t'as quand même les statistiques de la course et tout ça. Donc, tu peux changer quand tu arrives au premier but, tu veux dire, ben je le remplace par un coureur qui est plus rapide pour pouvoir voler ton but plus facilement. Donc ça, tu les as, là. T'as quand même, ils ont quand même bien fait de ce côté-là. Tes lanceurs, c'est la même chose. Donc quand tu lances, t'as la progression de sa fatigue. Donc tu peux changer tes lanceurs, puis tu vas aller te chercher un lanceur avec, bon, ben lui, c'est un bon releveur. T'as toutes les statistiques de l'année derrière, puis t'as toutes les statistiques de ta saison que t'es en train de faire, par exemple. Donc okay. Ça, oui. Là. Mais c'est ça. Ça fait le tour du jeu parce que c'est un jeu qui est pas compliqué, qui moi je recherchais ça, là. Quand j'avais acheté The Show il y a 2 ans, je trouve ça lourd. Tu mets le jeu, ça prend 10 minutes avant de commencer une partie parce que justement c'est du loading, puis là t'as l'animation de début, puis là t'as le commentateur, puis là t'as l'animation du joueur qui arrive au bâton, puis là t'as l'animation de la foule qui applaudit, puis là t'as rien de ça, là t'as pas de d'animateur, t'as rien, là. Tu pars la partie, t'es au bat, t'as un circuit, ça marque dans le gros écran home run, c'est tout, là. T'as pas de feu d'artifice, t'as rien, là. Fait que moi c'est idéal. Vous voulez un jeu de baseball rapide, c'est le jeu le 15 minutes, je vous dis 15 minutes, la partie est finie, vous avez joué les 9 manches, là. Okay. Le prix est en conséquence, c'est 30$, là, donc c'est pas super cher, vous l'avez sur iPad, vous l'avez un peu partout, puis pour moi qui joue sur Xbox One, ben c'est le seul jeu présentement de baseball sur Xbox One. Fait que moi, ça a vraiment répondu à mes attentes, là. Donc tu le conseilles à qui? Je conseille à des joueurs qui cherchent pas le jeu de baseball le plus réalistique possible, le plus réaliste possible, mais qui cherche à s'amuser, à jouer rapidement. Un joueur qui veut faire quand même des saisons, tu peux les faire, tu peux jouer en ligne super facilement, on se retrouve nous avec nos amis très facilement. Donc jeu pas compliqué, graphique acceptable, jeu rapide, donc ouais, c'est ça. Quelqu'un qui cherche pas une expérience complète, mais qui sert juste à jouer au baseball, donc c'est vraiment le jeu idéal pour ça, là. Puis une note? Ben écoutez, moi, j'ai donné un 9 sur 10, moi, pour ma part, parce que c'est vraiment le jeu que je cherchais depuis des années, là. Donc, OK, mais attends un peu, là, je veux nuancer, là. C'est un 9 sur 10 pour l'appréciation que tu as eue et non pas pour les qualités même du titre, parce que, comme tu dis, de chaud, l'enrobage est plus gros, ah, le oui. Nombre de modes de jeu, toutes ces affaires-là, tu sais. C'est pas le même 9 sur 10. Moi, c'est 9 sur 10 basé sur... C'est un jeu de baseball arcade, jouabilité rapide. Si vous voulez un jeu complet de baseball, vous jamais dirigé, je veux dire, The Show doit être noté aussi un 9, 9.5 sur 10. Les graphiques sont malades, c'est tight comme gameplay, c'est malade, là, The Show, là, c'est super bon, mais moi, je trouve ça trop lourd. Tu sais, c'est comme, tu disais tantôt, le NHL, là, c'est quand même lourd, NHL. Tu sais, s'ils sortaient un genre de ice hockey comme avant, là, que tu commences, t'as quand même les vraies équipes, bang, bang, tu rentres, ça peut être super agréable aussi. Tu dis, moi, j'ai 5-10 minutes pour jouer une partie, là. J'ai pas une heure, là. Je peux jouer 9 manches en 15 minutes. Donc, c'est là que va mon 9 sur 10. Mais si vous cherchez la meilleure simulation de baseball, c'est pas lui, là. C'est un jeu d'arcade. Ouais, faut savoir ce que tu cherches. Ouais, c'est ça, exact. Mais allez voir les images, vous allez être quand même surpris. La jouabilité est super le fun. Good, good, good. J'aime pas plus le baseball. Non, mais je te dis, tu vas aimer ça. Mais hey, tu peux même choisir le national. Tu peux même choisir le national puis aller chercher le chandail, leur chandail rétro qui est celui des Expos. Ah, cool. Hey, mais tu sais, tant que c'est pas Jacques Mercier qui coach puis qui sont pas sur patin, moi le national, je m'en sers. École. Okay. Référence à d'autres choses. À ceux qui connaissent ça. jeu de plateforme revenu d'entre les tombes. Oh que oui, d'entre les tombes, ouais, c'est bien dit. En fait, ça revient à la série Ratchet & Clank. C'est une série qui a connu des hauts et des bas. Ça a jamais été une série qui a connu des très mauvais jeux. Il y en a eu des moins bons que d'autres, mais je dirais ça a peut-être pas eu l'avant-scène comme à l'époque du premier jeu en 2002. Quand Ratchet & Clank est sorti en 2002, c'était vraiment une surprise, puis on se disait ah, ça c'est une franchise forte pour Sony. Avec les années, il y a eu des très très bons jeux, notamment sur PS2, mais graduellement, là, ça a perdu de son éclat. Et là, cette année, on revient avec, et là, regardez bien là, mon excellente description de ce jeu-là. C'est un jeu basé sur un film, lui-même basé sur un jeu. Ok. C'est ça, Ratchet & Clank. C'est bon. Il le dit au début, je trouvais ça drôle. Ah oui, ben en fait, c'est ça, c'est que le jeu se cache pas d'être comme ça, puis se cache encore moins d'être un remake. Parce qu'à un moment donné, en début de partie, il y a un des personnages qu'on a rencontré dans l'épisode de 2002 qui va dire « Coudon, je vous ai déjà vu, vous autres. » Puis là, Ratchet et Clank sont comme « Non. » Puis quand t'as fini ce segment-là, il dit « Bon, ben, on se reverra dans le prochain remake. » Ouais. Fait que c'est drôle. Joke à la Deadpool un peu, là. Oui, alors c'est drôle. Mais le jeu se cache pas de ça. Par contre, je veux juste vous dire, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une remasterisation de l'épisode de 2002. En fait, à certains moments, le jeu a plus rien à voir avec celui de 2002. Ça a un peu la même coquille, mais le contenu est vraiment très, très différent. En fait, au niveau de l'histoire, oui, on suit à peu près la même trame narrative qu'en 2002, c'est-à-dire que Ratchet va faire la rencontre de Clank après que le petit robot se soit écrasé sur sa planète, mais après ça, alors que en 2002, on affrontait le président Drek, vous allez voir que ça prend une tangente différente à un certain moment donné, et Drek est pas nécessairement l'ennemi derrière là, l'espèce de plan machiavélique pour détruire des planètes et sucer leur énergie, parce que c'est ça. Dans ce genre de jeu-là, de plateforme 3D, tu sais, on a vu les Banjo-Tooie, des choses comme ça, où est-ce que les deux personnages c'était un par-dessus l'autre, tu sais, pour que ça soit un personnage, puis que tu switches de l'un à l'autre là, pour contrôler. Là, comment ça fonctionne là, pour eux autres là, d'avoir deux personnages contrôlés par une personne? Ben en fait c'est la même jouabilité qu'en 2002, c'est-à-dire que Ratchet est le principal personnage. C'est avec lui que vous allez pouvoir utiliser un paquet d'armes, c'est avec lui que vous allez pouvoir courir dans les environnements et tout. Clank est beaucoup plus un robot qui sert de support à Ratchet, c'est-à-dire que il va lui permettre d'utiliser des hélices, ou à un moment donné vous allez aussi acquérir un jetpack pour planer dans les airs. Donc ça c'est beaucoup l'utilité de Clank. Il y a certains petits segments dans lesquels vous allez pouvoir contrôler Clank. Ça, j'y reviendrai, là, mais c'est pas des segments que j'ai tant apprécié que ça. Ouais. Mais c'est un peu différent là, de... En fait, je vous dirais, si vous voulez un comparatif, fiez-vous plus à Banjo-Kazooie qu'à Banjo-Tooie. Dans Banjo-Tooie, on pouvait contrôler Kazooie là, de toute façon indépendante, tandis que dans Banjo-Kazooie, Kazooie venait plus en aide à Banjo. Ben, c'est un peu le même principe dans Ratchet & Clank. Dans Ratchet & Clank, ce qui est beaucoup mis de l'avant, c'est l'action. Et de l'action, il y en a pas qu'à peu près. En fait, il y en a encore plus qu'en 2002. Il y a des fusillades là-dedans. Là, ça pète de tous les bords, tous les côtés. C'est vraiment un festival d'artifice là, à certains moments. Il y a... je me rappelle plus il y a combien d'armes. Il doit en avoir à peu près... 16, quelque chose comme ça. Ouais, j'aurais bien sûr que tu me dises 2. Il y en a à peu près 2. Non. plus que ça, là. Ouais, 16, 20, facile, là. Je me semble à peu près 16. Il y a à peu près 16 armes. Et ces armes-là, là, ça va d'une espèce de lance-flamme à des lance-missiles. Bref, ça pète d'un peu partout. Et vous allez voir que la difficulté a été augmentée par rapport à l'épisode de 2002. En 2002, c'était quand même difficile au niveau difficulté le plus avancé. Mais là, même au niveau normal, vous allez voir qu'il y a certains passages qui sont beaucoup plus difficiles qu'à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis ou on a ajouté des éléments qui ont fait la renommée de la franchise Ratchet & Clank au fil des années. Par exemple, au niveau des armes, vous allez pouvoir acquérir de l'expérience, ce qui était le cas avec les épisodes de Ratchet & Clank ultérieurs à celui de 2002. Donc, chaque arme va pouvoir acquérir de l'expérience à force de l'utiliser. Et ça va ouvrir l'arbre d'amélioration de chacune des armes. Donc, à un certain moment donné, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une petite armée avec vous autres, là, dans le sens que les armes deviennent extrêmement puissantes. Pas au point de débalancer la difficulté du jeu, mais je vais prendre une de mes armes là, que j'ai bien aimée, qui est le lance-flamme. En fait, au début, c'est un lance-flamme super conventionnel, puis quand à force de l'améliorer, ben le lance-flamme va permettre d'enflammer vos ennemis puis de les faire exploser aussi, ce qui va créer encore plus de chaos autour de vous. Fait que, tu sais, c'est ce genre d'amélioration-là que vous allez avoir au fil du jeu. Même chose pour Ratchet, qui peut acquérir de l'expérience à force d'éliminer des ennemis, puis ça, ben, ça va augmenter sa vitalité. Le design des niveaux est vraiment solide. Il y a des niveaux qui sont assez linéaires, un peu comme en 2002. Il y a d'autres niveaux qu'on a élargis par rapport à 2002. C'est-à-dire que je prends l'exemple de la planète Pokitaru, je pense. Joe, coup de mom, fiestoué! Ben, écoute... Ben bref, ça a l'air d'être un nom de ça a l'air d'un nom de Pokémon, cette okay. planète-là. OK, puis je me trompe tout le temps entre le nom de la planète puis Pikachu, parce que ça sort. en 2002, on pouvait... c'est une planète qui ressemble à un Club Med, OK? Et sur cette planète-là, en 2002, on pouvait pas nager dans l'eau. Et là tu peux, dans cette épisode-là de cette année, tu peux. Donc, il y a certains décors qui sont beaucoup plus ouverts qu'à l'époque. Et ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup plus d'exploration qu'à l'époque. Il y a une autre planète aussi où tu vas devoir... Il y a une mission secondaire où tu vas devoir récolter à peu près... au total, je pense que c'est 50 cerveaux. Des vrais cerveaux. Là. Ouais, 60. 60? Je viens de le faire. Ah, ouais, OK, c'est ça. Moi, je l'ai fait, là, il y a un petit bout, fait que 60 cerveaux. Bref, tu vas pouvoir utiliser certains gadgets de la franchise Ratchet & Clank pour, justement, explorer davantage ces niveaux-là qu'en 2002. Fait que ça, c'est intéressant. C'est une affaire aussi que vous allez remarquer très, très vite, c'est que le jeu est vraiment, vraiment magnifique. C'est... un des plus beaux jeux à date que j'ai vu sur PlayStation 4. C'est un jeu qui attire l'œil. Il y a plein de couleurs. Les effets d'ombre et de lumière sont vraiment de très, très haute qualité. Vous allez peut-être remarquer, si vous êtes pointilleux, que la qualité visuelle est un petit peu inférieure quand les cinématiques embarquent. Les cinématiques sont directement tirées du film. Ouais. Film que ça a l'air qui est pas fameux, mais en tout cas. C'est toi, JB, qui me dit ça. Ouais, c'est ça. Moi, je me fie à ce que j'ai vu, là, des chroniques sur le web. Il est sorti. Ben oui. Ouais. Ben, il y a des critiques qui sont sorties. Ah, je pense qu'il est sorti. Ah ouais. OK. Ouais. Mais tout ça pour dire que bon, vous avez peut-être remarqué une qualité visuelle un peu inférieure, mais quand vous allez jouer, l'action est super fluide. Vraiment là, c'est un jeu qui est magnifique, qui a été retravaillé par rapport à 2002 de superbe façon. Et tout ça pour dire que quand vous considérez l'ensemble des nouveautés, ça fait en sorte que Ratchet & Clank, vous avez pas l'impression de jouer un remake. Vous avez l'impression de jouer à un jeu qui est un hommage à celui qui est paru il y a 14 ans, mais qui donne l'impression de jouer à un nouveau jeu. Puis ça, c'est vraiment intéressant. C'est une super belle job de la part d'Insomnia Games. Est-ce qu'il y a des défauts? Un petit peu. Des mini défauts. En fait, il y a certaines séquences qui sont inférieures à l'ensemble du jeu. Moi personnellement, les séquences en vaisseau, j'ai pas particulièrement trippé. Non. C'est très très limité. Même chose pour les courses en overboard. J'ai trouvé pénible à l'époque. J'ai trouvé encore pénible. C'est des courses en fait qui sont pas fair. Tu peux finir premier, mais ça te prend plusieurs, au moins deux laps avant d'arriver à finir en première position. C'est super limité aussi. Je sais pas, c'est pas ben divertissant. On va dire ça comme ça. Les séquences avec Clank, je vous disais, c'est inférieur en fait. Il y a une séquence qui reprend certains puzzles de la franchise Ratchet & Clank. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser des petits robots. Ces petits robots-là ont différentes fonctionnalités. Puis la qualité des puzzles est intéressante. Mais le problème, c'est que ils sont entrecoupés par des espèces de segments de poursuite. Enfin, Clank va devoir échapper à un gros robot du nom de Victor. Et c'est en fait tout ce que vous avez à faire, c'est sauter puis appuyer sur votre joystick pour courir. Puis c'est vraiment linéaire, ça sert à rien, puis c'est pas super le fun. Autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des éléments qui sont inférieurs en nombre par rapport aux autres Ratchet & Clank. Notamment vous allez avoir des boulons d'or, et ces boulons d'or là, il y en a 28. Dans le Ratchet & Clank, j'ai vérifié, en 2002, il y en avait 40. Donc ça, c'est inférieur. Vous avez aussi deux sortes d'armures, mais ces armures-là sont juste esthétiques. Contrairement à d'autres Ratchet où il y avait possibilité de les améliorer avec l'expérience, puis ça donnait différentes capacités à Ratchet. Là, c'est pas vraiment le cas. Fait qu'il y a certains éléments comme ça qui ont été exclus ou qui ont été enlevés. Même chose pour les fameux skill points. Il y en a plus dans cet épisode-là. C'est un peu dommage. Et c'est ça que j'ai à dire au niveau des points un petit peu plus problématiques, parce que pour le reste, c'est vraiment un excellent jeu. C'est un de mes coups de cœur et probablement un des jeux avec lesquels j'ai eu le plus de fun depuis le début de l'année. J'ai solidement trippé. Plus que dans The Division? Oui. Ouais, moi, je vais te dire une affaire. The Division, pour moi... Attends, j'y ai pensé, hein? J'y ai pensé, by the way. The Division, pour moi, c'est, à date, ma grande surprise. Mais Ratchet & Clank, c'est mon coup de cœur à date. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme deux mots qui disent la même affaire, là. Non. Dans le sens que Ratchet & Clank, pour moi, je m'attendais à un bon jeu. Fait que c'est pas une surprise. Okay. Mais est-ce que je m'attendais à avoir autant de plaisir? Est-ce que je m'attendais à un remake, entre guillemets, d'aussi bonne qualité? Non. Fait que, honnêtement, parce que c'est mon... parce que j'ai eu autant de fun, c'est un coup de cœur. The Division, je m'attendais absolument à rien. Tu sais, je l'attendais pas, ça m'attirait pas. Puis j'ai tellement eu de fun que ça, c'est une surprise. Moi, j'avais pas joué à la version originale 2002. Là, j'en ai fait d'autres, là, mais est-ce que l'arme, là, le pixeliseur, il était là? Parce que moi, non. Là, vraiment, là, celle-là, là, cette arme-là, là, t'en as pas parlé, là, mais moi, je pense que c'est mon arme préférée. Là, tu transformes les ennemis en pixels. Là. Je trouve ça génial, là, vraiment. Ben, Je peux en parler un petit peu des armes. En fait, je vous ai dit, bon, ça acquiert de l'expérience, vous pouvez les améliorer, blablabla. Moi, j'en ai trois qui m'ont fait sourire des armes. Il y a le pixeliseur, qui est une nouvelle arme pour cette version-ci. Le pixeliseur, comme Joe le dit, c'est que tu vas pouvoir vraiment transformer tes ennemis en version 8-bits. Puis quand tu les casses, ben ils vont se défaire en petits blocs. Ah, puis il y a un petit son aussi, le son genre ouais. 8 bits, ça c'est super. Hein? Ah non, c'est vraiment drôle. L'autre arme qui est drôle, c'est une arme qui vous, ça on l'avait déjà vu dans Ratchet & Clank, ça vous permet de transformer vos ennemis en moutons. Avec les sons qui viennent avec. Fait que ça aussi c'est drôle. Il y en a une autre, c'est une boule disco qui fait cool, danser. Ça. Ouais, c'est drôle parce que tes ennemis se mettent à danser puis tu les vois là, sont comme le rythme m'envahit mais je veux pas danser, je veux t'attirer dessus. Fait que ça fait en sorte qu'ils sont vulnérables puis tu peux leur tirer après. Mais celle que j'ai vraiment aimée, c'est le Mr. Zircon. Ah, Monsieur Zircon, avec mini Monsieur Zircon. maudit que j'ai aimé cette arme-là. En fait, Mr. Zircon, c'est une arme qu'on a déjà vue dans Ratchet & Clank, mais pour ceux qui connaissent pas, qui savent pas c'est quoi, en fait. Mr. Zircon, c'est un petit robot que tu peux activer, qui va être avec toi pendant un temps limité, mais il te lance des phrases, oui. Là, genre, la paye de Mr. Zircon, c'est les plaies qu'il inflige à ses ennemis. quand à un moment donné, tu sais, t'as plus d'ennemis autour de toi, il va dire, ben là, Mr. Zircon, il s'ennuie, là. Oui. Mais c'est une voix robotique, c'est vraiment drôle. Et d'ailleurs, il y a un nouveau boss qui a rapport avec la famille Zircon, que vous allez affronter dans ce nouveau Ratchet & Clank. Je vous en dis pas plus, c'est un boss qui est assez difficile, mais bref, vous verrez. Tout ça pour dire que Ratchet & Clank 2016, ça a à voir avec l'épisode de 2002, mais ça comporte tellement de différences que c'est pas juste un simple remake HD comme ce qu'on a eu droit dans Ratchet & Clank Collection. C'est un jeu qui se tient seul, l'histoire est pas mal différente de 2002 et le gameplay est toujours aussi solide. Moi, je lui mets un très, très nourri et très mérité 9 sur 10. C'est un achat. D'ailleurs, il est moins cher qu'un jeu neuf conventionnel. Il est à peu près 40-50$, je pense. Oui, il est 50, ouais. Il est 50. Mm-hmm. Ça vaut la peine. Il y a des éléments de rejouabilité. Il y a un mode défi, notamment, qui se débloque une fois la campagne principale terminée. Ah oui, puis j'ai oublié de parler vite. Il y a des nouvelles cartes de collection qui peuvent être amassées dans le jeu. En fait, ces cartes de collection-là, quand tu complètes un set, ben ça donne des bonnies. Par exemple, des pierres précieuses pour améliorer tes armes qui vont tomber plus fréquemment. Des cartes aussi à collectionner qui vont tomber plus fréquemment. Ça te sert aussi à débloquer des versions plus puissantes de tes armes de base dans le mode défi. Donc, ces cartes-là, honnêtement, c'est un ajout qui est sympathique, mais qui ajoute aussi à l'intérêt d'explorer les environnements puis d'éliminer les ennemis. Fait que voilà, 9 sur 10, si vous êtes un amateur de jeux d'action puis de plateforme, là, c'est un must. Vraiment, sur PS4, c'est bon. Good, très intéressant. Bon. Ouais. Ah, je me sentais dans un party, là, mais que j'étais pas vraiment invité, pis j'étais là comme, je regardais de loin, là. Parce que j'ai jamais joué, pis là, je vous voyais triper les deux, là. Ah, pis je suis comme, ça doit être cool, mais je suis comme pas invité, là. Monsieur, pas de PS. Ben, écoute, on peut t'envoyer des images. Ouais, ça serait des selfies génial. Avec le jeu. Pas sûr que ça va vraiment compenser. Mais bon. moi, je vais vous parler de Hostile, en français, Hardcore Henry. En anglais, c'est un film très particulier. Premièrement, l'histoire de ce film-là, de sa création, c'est un film qui est passé par la recherche de financement sur Internet, donc les fameuses campagnes de socio-financement. C'est un film qui a été créé par le réalisateur Ilya Naishuller, qui est en fait un gars qui, dont c'est le premier film, c'est le membre d'un groupe de rock, genre heavy metal russe, qui s'appelle Biting Elbows. Et eux autres sont assez connus dans leur domaine. En Russie, c'est des vedettes. Et ils sont connus pour faire des vidéoclips par eux autres mêmes, dont un vidéoclip qu'ils ont fait en première personne. Et voyant le buzz, ils ont fait comme, crime, ça pourrait faire un bon film. Donc, ils ont lancé une campagne de socio-financement. Ils ont levé les fonds et ça a donné Hardcore Henry. Mais JB, Biting Elbows. Ouais. je me demande pourquoi ils ont décidé de se nommer comme ça. Hey, ça serait le fun de se nommer les mangeurs de coudes. c'est bizarre, là. Écoute, je sais pas. Moi, je veux pas être invité à un de leurs parties. Écoute, ça là, je suis là sur un wiki ou quelque chose en russe là pour trouver la raison du nom là, mais tu sais, c'est un groupe trash, puis dans le fond leur clip, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est Bad Motherfucker. Je l'ai dit vite parce que c'est pas très gentil, mais c'est un clip qui avait beaucoup voyagé sur Internet parce que en première personne, et bien entendu, tu peux choisir, tu sais, l'image qui va représenter ton clip, et on avait mis sur pause pour présenter le clip sur YouTube sur les deux filles en bikini qu'on voit de très très proche. Pis c'est comme une fraction de seconde dans le clip. Bon, on a quand même mis de la vignette, là. C'est quand même cette image-là. Fait que ça a généré du clic, pas à peu près. Vous pouvez les retrouver. Et c'est, dans le fond, le gars du groupe, Ilya Nice Shooter, qui est le chanteur principal, qui a réalisé le vidéoclip et qui, par la suite, a réalisé Hardcore Henry. Ça, c'est pour la genèse du film, comment ça s'est créé. Maintenant, comment ça se regarde, ce film-là? Ben, ça se regarde comme si t'étais en train de jouer à Quake, à ton first person shooter préféré, et c'est de l'aventure, c'est de l'action presque non-stop pendant 1h36 minutes. On se retrouve au départ dans les yeux du personnage principal qui ne parle pas aucunement tout au long du film. Bien sûr, c'est pour faire comme dans les jeux, pour l'immersion. Et on voit qu'il se réveille dans une salle d'opération. Il y a une très, très jolie demoiselle qui est en train de s'occuper de lui. Elle lui raconte que c'est son mari. Il y a une bague au doigt, donc c'est comme la preuve de tout ça. Puis que, écoute, il y a une corporation qui veut mettre la main sur lui, sur Henry, sur Henry, qu'on va dire, ça sonne mieux que Henry. Et donc, rapidement, t'as des gens qui débarquent dans le labo, qui veulent prendre possession de cette technologie-là, parce que le gars est complètement démoli, il se fait remettre une jambe, remettre le bras, c'est dans le fond un 90% un robot, et donc va devoir se sauver de multiples péripéties, il y a tout le temps du monde qui court après, et je vous raconte pas plus l'histoire que ça. Si vous avez déjà vu le trailer du film, vous connaissez l'histoire du film. Le film est une excuse pour vous présenter une aventure en première personne, tout simplement. Okay. Le scénario est des plus simplistes. On aura très très peu de réponses. Entre autres, le gros méchant qui est cheveux blonds, yeux un peu bizarres, genre on dirait que c'est un pas un vampire là, mais tu sais qu'il a pas le droit d'aller au soleil parce qu'il est vraiment weird, là, il est vraiment très très pâle. Il y a certains pouvoirs, ça sera jamais expliqué. Et on va suivre donc les aventures. Et il y a un personnage récurrent, un bonhomme qui revient sous différents costumes, voir Henry et l'aider dans sa quête. Lui remettre un cellulaire, quand il faut que tu te rendes à telle place, quand il faut que tu ailles à telle affaire, viens, je vais t'aider. Mais qui ne semble pas être la même personne tout en étant la même personne. C'est Sholto Copley qu'on a vu dans District 9 qui campe ce personnage-là aux multiples facettes. Vous allez comprendre dans l'histoire, ça va vous être expliqué et la raison de ça est tout simplement génial, et encore une fois c'est très jeu vidéo dans l'explication, tu fais comme ok, ouais, dans un video game je pourrais avoir ça, puis je le croirais, puis même en tant que joueur, ben on le vit régulièrement ça, mais on prend ça pour acquis, c'est un jeu, puis on revient, puis y a pas de problème, tu sais, sauf que là on te le met dans un film. Pis autant ça a l'air weird au début, puis je garde le suspense, je veux pas vous dire c'est quoi, c'est à voir dans le film, autant à la fin quand on a l'explication, tu fais comme ben oui toi, c'est tellement jeu vidéo, ça marche tellement bien. Et donc on va suivre les aventures, on va voir entre autres des séquences de parcours où est-ce qu'on va grimper à des murs, des choses comme ça, toujours en étant à la première personne, donc tu vois juste les mains et les pieds. Tu vas voir des combats à la pocheté, tout le monde court après Henry. pour pouvoir mettre la main sur celui-ci doit se défendre. On va le voir passer entre autres dans un bar de danseuses, on va le voir passer sur une autoroute, scène qu'on voit d'ailleurs un petit peu dans le trailer, où est-ce que ça va être comme un rail shooter et il va sauter d'une place à l'autre, va tirer, va battre les ennemis. Il arrive mille et une affaires et c'est tellement une aventure cool à suivre, mélangeante au début parce qu'on n'est pas habitué à vivre ça au cinéma, mais tellement le fun en même temps. Le seul, tu sais, le plus gros pépin que je te dirais par rapport au personnage principal, c'est le fait qu'il parle pas. Et ça, ben, narrativement, ça veut dire que toute l'évolution de l'histoire passe par les autres personnages. C'est parce qu'ils veulent bien te dire, puis comment est-ce qu'ils interagissent avec toi, entre guillemets, envers le personnage principal, qui lui peut juste, pour donner des réponses, ben, tendre les mains, faire des symboles avec ses mains, ou hocher de la tête. Donc, la narrative est très limitée, comme elle l'est dans un jeu vidéo, à la première personne. Fait, ouais, c'est des codes qu'on n'est pas habitué de voir au cinéma, qu'on n'est pas habitué de voir en film. Et quand je l'ai terminé le film, j'ai fait comme « Ouais, ok, c'est pas parfait, mais en même temps, c'est la première fois qu'on fait ça, tu sais. » Le premier film d'horreur, là, tu le regardes aujourd'hui, il est pas épeurant, tu sais. Mais avec la pratique, on est rendu bon, tu sais, les créateurs de films là sont rendus bons pour créer du contenu qui est épeurant. Les codes sont connus, ça tu peux faire ça tu peux pas. Ben un film à la première personne comme celui-là, on n'avait jamais vu ça. On avait vu une séquence dans Doom qui est tellement risible. Ah ouais. Hey, je m'arrête à sortir ça en plus. Oui, oui. Non, mais moi, tenir un fusil de même, là. Ouais. Mais, tu sais, tout ça pour dire que les codes de ce type de cinéma-là, de cette façon de présenter un récit, on les connaît pas. Donc, c'est normal qu'il y ait des erreurs qui se font. Mais pour une première ébauche de ce style-là particulier, et comment est-ce qu'on a réussi à l'appliquer, ça fonctionne extrêmement bien. Puis avec un budget. Limité. Ah oui, c'est limité, là. Oui, oui, oui. C'est loin d'être une grosse production. Et, tu sais, on disait, Deadpool, c'est cool, mais tu sais, comme la scène finale, il arrive avec juste un pistolet, tu sais. C'est parce qu'on a manqué de budget. Mais là, il y en a des guns. On se gâte, là. Il y en a des balles partout qui pètent, puis ça explose, puis, tu sais, fait que malgré le budget, on était capable de présenter de l'action pure et dure encore plus que dans Deadpool, qu'on a beaucoup misé sur l'humour. C'est pas le même type de film, là. Je veux pas comparer outre mesure, sauf que la limitation de budget qu'on encensait dans Deadpool en disant, hey, ils sont démerdés avec très peu d'argent, ben, dans Hardcore Henry, pour les effets spéciaux, on était une coche au-dessus, et pourtant, on avait vraiment pas plus de budget, là. Vraiment pas. Ah ben c'est cool parce que j'avais vu le trailer juste avant. Moi quand tu parlais, j'ai fait ce personnage là, il est allé dans un party de Biting Elbows là, c'est probablement pour ça le plus grand monde. je trouvais ça intéressant, je suis sûr que j'irai pas avec madame voir ça. C'est hardcore. Pour vrai là, c'est dans le sens que on voit des têtes arrachées, on voit tu sais un peu de tout là. À un moment donné, le personnage principal s'ouvre lui-même la cage thoracique. Ben, ça vient. Fait que, tu sais, c'est, tu vois le genre. Fait que c'est... Moi, ce que j'aime, là, JB, là, c'est que tu vois ce genre de film-là, mais tu veux pas voir un film d'horreur. Mais non, il a peur. Non, ouais, mais c'est pas pareil. Pas... c'est tellement pas la même affaire. C'est gore, mais c'est pas gore pour te faire peur. C'est gore dans l'action, tu sais. C'est le réalisme de la chose. Comme dans Deadpool, là, tu sais, le motocycliste qui se fait arracher la tête. Ben, tu sais, dans un film d'action, dans un combat où est-ce qu'il y a une tête qui se fait arracher, ça se peut que tu vois une tête arrachée, tu sais. Non, au mais lieu de sais faire bien, comme mais... les Avengers, que t'as jamais une plaie nulle part, là. Ah, il y a une image drôle, by the way, parlant des Avengers, vous irez voir ça, c'est version Aquaman version DC Comics versus Aquaman version Marvel. Tu sais, dans DC Comics, tu vois le visage, tu sais, ben, finalement, l'affiche Aquaman, là, comme on l'a vu, avec le visage assez sérieux pis tout. Puis dans la version Marvel, ben il sourit puis il a l'air tout joyeux. Exactement. Non, mais ça me fait penser à ma blonde. T'sais, elle, là, elle peut voir des opérations à cœur ouvert. T'sais, tu joues des intestins, pas de problème. Mais m'ont dit une fracture ouverte, elle sert pas à connaissance. Mm-hmm. C'est comme, je comprends rien. Mais c'est l'intention derrière l'image qui va changer comment est-ce que... En tout cas, moi, je vais l'apercevoir. T'sais, si on te met sur un thrill, puis tout d'un coup, il pourrait avoir un scaring jump ou quelque chose comme ça, ça me stresse. Tandis que là, je suis juste dans le défoulement, juste dans l'action, t'sais. Tu pourrais avoir la même image, mais deux intentions différentes, puis ça donnerait pas le même résultat, t'sais. Mais ben, sur grand écran, c'est pas comme... Pas mêlant, mais ça donne pas mal au cœur, genre, une heure et demie de... Ben écoute, de GoPro. autant j'avais peur que ça s'essouffle parce que le personnage principal il peut pas parler. T'as juste du monde qui court, c'est des scènes d'action. Puis j'avais peur que ça s'essouffle en termes de scénario. Et non, ça ne s'essouffle pas. On réussit toujours à varier. Donc on est dans différents paysages, on est dans différentes scènes, ça va super bien. Et pour le mal de cœur, je t'avouerai que ça passe très très bien. Je sais pas si c'est le fait que nous autres, notre génération, on est habitué justement à les jeux à la première personne, on est habitué à ce point de vue-là quand même. Habituellement, on contrôle la vision, mais c'est pas parce que le personnage, on est fait regarder à gauche, à droite, que notre tête tourne à gauche et à droite, t'sais. C'est ça le mal de cœur, c'est que les yeux, le mouvement qui est donné à tes yeux, l'image qu'on présente, ne cadre pas avec ce que ton oreille interne ressent, t'sais, tu bouges pas vraiment. Ben, je sais pas si c'est une habitude qu'on a pris avec les jeux vidéo, mais dans le cadre du film, ça fonctionne super bien. Et l'autre truc, c'est que tu penserais qu'un film à la première personne serait un film qui serait en plan séquence. Eh bien, non. On va couper à plusieurs reprises dans des... entre autres, il y a une séquence où est-ce qu'il y a une course à pied. Ben, il traverse un pont, là, ça coupe. Hop, t'es rendu sur une passerelle. Hop, t'es rendu dans des marches. Hop, t'es rendu... C'est très très fluide, mais ce que ça fait, c'est que d'un, ça accélère le mouvement parce que les bouts de plate, on te les enlève, mais surtout, c'est que ça empêche de devoir faire des mouvements de caméra qui font aucun sens. Genre, tu sais, le personnage fait une roulade, ben tu vas couper quand il arrive vers le sol, puis après ça, tu vas revenir qu'il est en train de se lever, tu sais. Le bout de la caméra est sur l'asphalte, en train de rouler, tu le verras pas, tu sais. Fait qu'on va couper les bouts qui... visuellement ne ferait aucun sens et donc qui te perdrait en tant que spectateur. Fait que ça, c'est très ingénieux. C'est quelque chose que ils ont probablement dû ils ont réalisé probablement en faisant le montage que ben finalement tu sais, si tu coupes d'une frame à l'autre, t'es capable d'avoir un mouvement qui semble fluide quand même sans avoir les côtés négatifs de. Et ça, c'est une expérimentation. Tu sais, comme je vous disais, c'est la première fois qu'on voit un film se faire comme ça. Les codes, on les connaît pas, tu sais. Le 10e va être franchement mieux techniquement que lui. Il y a des failles, c'est pas parfait. Sauf qu'en tant que premier, moi, je suis sorti de là, j'ai fait comme... Ben écoute, ils ont réussi de l'expérience, tu sais. C'est loin d'être une catastrophe comme on aurait pu penser qu'un premier, dans son style, pourrait faire, tu sais. Mm-hmm. Ah, tant mieux. Mais c'est pas un film que je pense qu'il va faire l'unanimité. En tout cas, ça devrait pas plaire aux bons des Oscars. Non, vraiment pas. Sauf que sur le plan technique, sur le plan visuel, je pense que on devrait le considérer. On a, tu sais, une certaine vision élitiste chez les critiques de films, chez les gens Oscars. Ah, c'est pas un film d'auteur. Mais c'est pas parce que le scénario est bancal et très très limité que ce n'est pas un grand film. Et là, je te dis pas que c'est un chef-d'œuvre, là, Hardcore Henry. Ce que je te dis, c'est que pour un premier dans cette lignée-là, avec tous les pièges qui avaient été possibles, on s'en sort très très bien. On a zéro expérience là-dedans et on nous sort un film qui est potable. Il est pas trop long, il est pas trop court. Techniquement, on a passé à côté des gaffes qu'on aurait pu faire. Tu sais, ça me fait penser un peu à Mad Max Fury Road. Tu sais, le scénario, là, c'est trois lignes, là, tu sais. Ouais. Sauf que l'aventure qu'on te fait vivre, elle est grandiose. Et ça en fait un très, très grand film. Ben, Hardcore Henry, sans avoir le même ambiance, cette même grandiosité, réussit quand même à t'amener un divertissement qui est intéressant, qui est le fun, malgré un scénario qui est mince et des limitations techniques qui sont... vachement importante, là. Filmer en première personne, c'est pas pour rien que ça avait jamais été fait avant, là. Techniquement, c'est pas évident, là. Ouais, ben, on y écoute, arrive, ben, j'avais vu le trailer, puis j'avais dit, oh, toi, tu es sur ma watchlist. Ben, ok. Oh oui, non, c'est ben à oui, voir. Puis, fiez-vous pas aux critiques qu'on voit là sur internet, des gens là, entre autres là, je suis sur Cinoche, la cote de la presse là, les médias ont donné 2 étoiles sur 5. Ça vaut pas mal plus que ça. C'est une franchement belle aventure, c'est rafraîchissant, ça ouvre un éventail de possibilités pour l'avenir du cinéma. Ce film là, ça va faire date. Il y a un avant puis il y a un après dans ce type de film là à la première personne. S'il y a un avant puis un après. Ben, ça et va ça, avec c'est la important, vision. Tu sais. Ça va avec la vision élitiste que tu disais. C'est ça. C'est dommage, mais tu sais, moi, j'ai vu des films avec d'excellentes cotes puis qui ont même gagné des Oscars et tout. Puis, j'étais pas capable. Ah non, absolument. Mon meilleur exemple, je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'était Shakespeare et Juliette. Oh, que c'est bon. Oh, God. Ça gagne les Oscars, tout. Oui, c'est là. Meilleur film. Ah, écœurant, mais à un moment donné, là, c'est beau, là, la petite histoire d'amour cucu, là. Mais c'est ça, fait que moi, je me fie plus aux critiques de la film, honnêtement. Fait que JB, j'ai rien écouté de ta chronique, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas un critique, je suis juste un gars qui voit des films et qui donne son impression, tu sais. C'est ça, exact. Il y a des films que je trippe. Tu sais, j'ai donné un 9.5 à Batman v Superman, puis il y a plein de monde qui l'ont planté, tu sais. Moi, j'ai capoté. Si tu vois d'une critique à l'autre que mes goûts ressemblent aux tiens, ben fie-toi à mon opinion. Si tu vois que nos goûts ne se ressemblent pas, ben ne te fie pas à mes opinions, tu sais. C'est beaucoup ça, tu sais. Il y a pas de critique qui est impartiale. On a tous nos goûts, on a tout notre background, on a toute notre vision, nos appréciations. Et en tant qu'auditeur qui écoute cette critique-là, ben faut que tu trouves les personnes qui te ressemblent pour que leurs impressions puissent être des bons indicatifs sur ton impression que toi t'auras en consommant le produit en question. Donc, tu sais, je vois entre autres des critiques qui disent que c'est une idée qui est gâchée. Ouais, mais tu sais, on n'avait jamais fait de film là-dessus de cette façon-là. Tu sais, moi, j'ai vraiment adoré, là. J'ai eu énormément de fun. Et je me suis fait poser la question, est-ce qu'on prend les fameuses D-Box là, au cinéma? Et moi, je vous dirais que non, faites pas ça. C'est déjà assez intense sans voir ton siège qui shake en plus. Donc, ouais. Moi, je le conseille pas. Si vous voulez l'essayer, faites-le. C'est vous autres, mais moi, je suis pas sûr que c'est un bon mix. C'est déjà que ça bouge vite la caméra, si en plus faut que ton siège bouge, ça va être perdant tantôt, là. Tu comportes pas de chandail blanc, prends pas un coke, hein? Non, genre, mauvaise idée. Donc, moi, je vais y aller avec un 8 pour Hostile, Hardcore Henry dans sa version originale. Ça fait un job. Pour vrai, je peux pas vous en dire plus. Je veux surtout pas en dire plus sur le scénario. Vous allez voir par vous-autres même. Mais ça fonctionne super bien. Puis c'est un premier. Fait que j'ai hâte de voir dans 10 ans où est-ce qu'on va être rendu dans ce style de jeu-là. Film. Mais c'est parce que je suis en train de penser à dire, j'ai hâte de voir aussi les Call of Duty dans 10 ans qui vont devoir s'inspirer de ce qu'on a fait là pour faire vivre une expérience encore plus immersive aux joueurs. Je pensais que t'allais dire, là, c'est parce que je pense à The Division. Donc, 8 sur 10 pour ce qui est de ma note pour Hostile. Puis écoute, si vous tripez sur les jeux d'action, vous n'avez pas besoin d'être un joueur de jeux vidéo pour apprécier, juste d'avoir l'esprit ouvert et d'être prêt à vivre une expérience nouvelle. C'est vraiment ce qu'on vous propose dans ce film-là. Et d'accepter le gore, c'est important. Donc, ouais. Ça demeure sur ma watch. Exactement. Yes. Voilà qui fait le tour pour l'émission de cette semaine. Joe, je veux que tu me dises où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur le web. Facebook, Jonathan Turcot, ou sur Twitter, AstroBoy3000. Daniel. Oh yes! Alors moi, si tu veux bénéficier de mon savoir absolu, tu peux me retrouver sur Facebook avec mon nom complet. que je n'épellerai pas, mais t'as juste à aller voir la description du show pour le savoir. Fais juste, comme à chaque show, je le répète, me dire qui tu es, parce que si tu as un nom louche, genre prince éthiopien ou encore trafiquant d'armes russes, ça se peut que je te refuse. Sinon, vous pouvez me toi, tu peux me retrouver sur Twitter aussi à DracoADG, ainsi que sur le affairedegas.com, particulièrement dans la section techno jeux vidéo, où je publie des textes assez régulièrement sur le jeu vidéo, sur les tests à venir aussi. D'ailleurs, prochain test à venir, il y aura Stories Path of Destinies du studio montréalais Spearhead Games, ainsi que Star Fox Zero. Ouais, Spearhead Games qu'on avait déjà en entrevue sur le show d'Anno début, ça fait quand même plus d'un an et demi qu'on de ça. Ben écoute, jeu intéressant, j'y reviendrai dans un prochain épisode. Et toi, mon JB? Ben écoute, moi, on peut me retrouver à la barre d'un autre podcast qui s'appelle Hors-jeu. On a eu des problèmes techniques, on va essayer de faire notre post-mortem de la saison très très bientôt. On vous a pas oublié, là, on essaye, c'est juste qu'on a eu vraiment des pépins techniques qu'on a vécu aussi sur la réalité augmentée. Bon, c'est, on a réussi à trouver une solution alternative. Sinon, je suis sur Twitter, @gangj_b, et by the way, je défendrai bec et ongle le fait que nous sommes allés marcher sur la Lune. Soyez avertis. Et t'es sûr de ça? Ah, oh, écoute, je suis vraiment sûr. Attention, vous ne suivrez plus. Inside, avis à ceux qui ont vu le beef, c'était mémorable. Sinon, sur Facebook, je vais gagner, ajoutez-moi, laissez-moi savoir que c'est parce que vous m'écoutez sur Réalité Augmentée ou encore sur Hors-jeu, ça va me faire plaisir. Nous avons des comptes officiels sur la Réalité Augmentée pour les réseaux sociaux, @RealitéHug pour Twitter, facebook.com/RealitéHug. Pour Facebook, ça le dit dans le nom, come on. Sinon, nous avons une adresse courriel, podcast@realitéhug.com. Excusez, je me suis mélangé. Realitéhug.com. Et nous vous invitons, ça je l'oublie trop souvent, à nous laisser des étoiles sur iTunes. Ça va nous permettre de monter dans les classements, d'être plus facilement retrouvable pour les auditeurs. Partagez la bonne nouvelle. Vous aimez notre émission, faites-le savoir à vos amis, à votre chat, à votre hamster, à vos amis imaginaires. Dites-leur que vous nous aimez et augmentez ainsi notre popularité et nos chances de peut-être en vivre un jour, ce dont on ne pense pas vraiment que ça sera le cas éventuellement, non. Mais dont on a espoir quand même que ça arrive. J'aimerais tellement ça. Moi, je vous ferais un show par jour si je pouvais. Ouais, et ben, non. Forcez-vous, on va se forcer, hein? pas pour l'instant, tu vois. Ah ouais, puis anyway, ça a l'air que ça compte pas vraiment faire des podcasts. Audrey Side. On va pas là. Non, si vous comprenez pas, c'est normal, c'est un inside, mais j'irai pas là-dedans. C'est bon. La réalité augmentée, c'était ça pour cette semaine. Merci d'avoir été là, les auditeurs. Merci, Joe. Merci. Merci Daniel. Hey, merci à toi. Et on se dit à la prochaine fois tout le monde. Bye bye. Bye.